À cause de ma notoriété, je peux mourir privé de bac. J'ai charbonné tout l'été, l'hiver paraît moins froid. Elle me déteste autant qu'elle m'aime. Bye bye comme père. J'en ai plus problème. C'est ma putain de. J'ai les programmes de l'Afrique. Mettez le soleil de ma vie. Monde dans le cadre magique. J'vois un week-end le lundi. J'ai les problèmes de l'Afrique. Mettez le soleil de ma vie. Monde dans le cadre magique. J'vois un week-end le lundi. De loin nous, l'argent c'est mon pantalon. Y'a que quand je la prends le vrai, c'est pour elle j'ai des sentiments. J'aime trop, tu vois le délire au bas. Original gangsta, t'envoies mes sicarios, te soulever en bas de chez toi. Devenir, regarde pas celui que j'étais, regarde celui que j'essaie de devenir. Je veux la sécu, je suis un de ces cœurs insécure. Allô, j'entends ta voix, deux anges, ma gauche est contre ma droite. La coke, ça porte la poisse, bébé, je m'accroche encore à toi. Elle trouve plus trop le sommeil, elle dit que l'amour c'est obsolète. Bébé, une Apple Watch, c'est mieux qu'une fausse Rolex. Ma vie c'est un film, pour un regard tu peux finir infirme. Elle me trouve distant, je dois gérer le business tous les jours, bébé. Ici on tient le coup, c'est pas toujours facile tous les jours, bébé. Trop de gouba dans nos blocs, pam pam. Je t'en veux pas pour ce que tu fais, je t'en veux pour ce que tu ne fais pas. T'es fraîche comme la neige en août. T'es fraîche comme une meuf en couple. Le million c'est pas assez. Un million c'est juste le rêve. Un million et je dépense un euro. J'suis déjà plus millionnaire. À cause de ma notoriété, j'peux mourir qui big bad. J'ai charbonné tout l'été, l'hiver paraît moins froid. Elle me déteste autant qu'elle m'aime. Bad boy comme père. J'en ai plus problème. C'est ma putain. J'ai les problèmes de l'Afrique. Mettez le soleil de ma vie. Monde dans le cadre magique. J'vois un week-end le lundi. J'ai les problèmes de l'Afrique. Mettez le soleil de ma vie. Monde dans le cadre magique. J'vois un week-end le lundi.